Notre existence est un continuum. D'accord ? C'est un continuum d'expérience, d'action, de réaction. Dans ce continuum d'action et de réaction, ne pas oublier que, à la base, à la source, nous évoluons dans, nous errons, donc cette errance, dans cette forme d'ignorance, ce qui crée énormément de souffrance. Lorsque l'élève se met, s'inscrit dans cette quête de cet éveil, forcément tout ne peut pas arriver tout de suite. Donc cela demande beaucoup de patience et beaucoup de persévérance, d'avoir des bons enseignements et surtout une pratique adéquate. Lorsqu'il y a quelques années en arrière, tu as commencé à étudier ces mécanismes-là, tu les as étudiés avec un certain point de vue, une certaine connaissance, un certain point de départ, on va dire ça comme ça. Et ils se sont manifestés, ils se sont intégrés. Puis tu t'es révélé dans ton processus. Et là, à nouveau, certaines questions sont revenues. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas encore eu la réponse. Et donc, tant que tu n'auras pas la réponse de façon spontanée, cet élan du cœur, ces questions vont ressurgir. Mais à chaque fois, tu vas les réactualiser avec tes nouvelles connaissances, tes nouveaux acquis, avec le fruit de ta pratique. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, ce qui est bon dans cette sagesse et à quoi elle sert cette sagesse, à surtout ne pas attendre un résultat, à surtout ne pas s'inscrire dans un objectif. Pourquoi ? Parce que sinon tu vas créer une projection, mais en fait, cette projection n'est qu'une illusion. Donc ce qui est bon, c'est la pratique dans le ici et maintenant, et c'est d'être en paix dans cette pratique du ici et maintenant. Cette question « qui suis-je ?», elle va se révéler un jour. Et elle va se révéler dans « c'est cela ». Parce que je ne peux pas être autre chose que ce que je suis ici et maintenant. Et ne pas oublier que notre esprit, il est très complexe. Il est très complexe. Alors que l'éveil spirituel, c'est très simple. Mais pour pouvoir aborder cette simplicité, il va falloir passer par la complexité de l'esprit. Pour le déprogrammer afin qu'il puisse toucher cette simplicité. Donc ça demande beaucoup de temps, parce qu'il y a des empreintes, parce qu'il y a des empreintes à tous les niveaux, qu'elles soient karmiques, qu'elles soient dans cette vie-là, il y a tout un tas d'empreintes dans toutes les couches de notre être. Donc le nettoyage est long et lent, et souvent il y a l'impatience qui vient nourrir. Pourquoi ? Parce qu'on est dans cette société, dans ce mécanisme de consommation, où on veut être bien tout de suite, où c'est difficile de s'inscrire dans un processus long qui amène cette sagesse et ce calme intérieur. Donc, c'est bien que tu te poses ces questions. Pour une chose, c'est ce que je t'invite, hein, certes, les accueillir, mais pour les lâcher. Parce que tant que tu te poses des questions, c'est que tu n'as pas la réponse. Donc, oublie les questions, parce que les réponses, elles vont venir spontanément, tout au long de ta pratique. La pratique sert à cela. Sans la pratique, il ne peut pas y avoir d'éveil. Sans la pratique, on ne peut pas se mettre en paix. Donc ça demande d'avoir la foi dans le processus, ça demande d'accueillir cette contraction qu'il y a à l'intérieur. J'en ai marre de souffrir, ben oui, mais c'est comme ça. Je me crée mes propres souffrances, donc si je me crée cet environnement-là, c'est que c'est ok, j'en suis là dans mon processus, et donc je persévère. Ça fonctionne pour tout le monde. Les seules personnes pour qui ça ne fonctionne pas, c'est pour les gens qui abandonnent. Imaginez que vous soyez des petits colibris, et voilà, et tous les jours, une petite action, et c'est super. Et accueillez cela comme quelque chose de magnifique, comme un cadeau de la vie. Non ? N'oubliez pas cette phrase, on ne cherche pas la perfection, on cherche juste à progresser. Donc c'est juste la dissolution de l'ego. Ça doit se faire, petit à petit.